Nostalgie 60, 24h sur 24. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable. Heureusement, tu as ton imperméable. Ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Amour, amour, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. And amour, amour, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, my love. When you're away, there is no day, and I know that nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine, and now love me only. My love. when you're away. I know there's no day when nights are so lonely. And I'm on my love. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. Amor, amor, amor, amor, amor. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I'm a man. Can't you see what I am? To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou sur son smartphone, c'est simple. Téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique et profitez de votre musique préférée à chaque instant. Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou son smartphone, c'est simple. Branchez-vous sur notre site nostalgie.be ou téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique. Une furieuse envie de chanter Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie 60. Nostalgie, yeah, nostalgie. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi, si timide, timide. Ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur, c'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue.